Chapitre 34e. Parmi les personnes qui recevaient l'hospitalité chez Madame de la Morlaix, il en était plusieurs qui n'avaient pas vu arriver Henri de Carlepont sans un sentiment de déplaisir. C'était un beau jeune homme qui portait un beau nom. Il pouvait être redoutable. La bienveillance qui lui fit voir la maîtresse du logis au bout d'une heure, et quelque chose qui, de la part de Léopoldine, témoignait d'une connaissance ancienne, rentrant de prime saut dans l'intimité, augmentèrent cette disposition. On apprit cependant que le nouveau venu n'avait pas de fortune. Les beaux messieurs se redressèrent. Il se trouva même dans la compagnie un élégant qui avait aperçu Henri à l'usine de F, lorsque celui-ci travaillait chez M. Berthier. M. le baron de Prats le lui avait nommé, et le reconnut. C'était, s'il m'en souvient, un ouvrier, quelque chose comme un contremaître, dit-il d'un air de dédain superbe. Ce fut autour du railleur un grand éclat de rire. Que venait faire dans un château et parmi cette brillante jeunesse un homme qui avait peut-être encore les mains calleuses? Marquis, t'en conviendras, disaient les plus spirituels. Le marquis a souillé son blason et déchiré ses parchemins en faisant œuvre de ses doigts. C'est une déchéance. Monsieur de Carlepont n'était plus du monde. Au plus fort de ces déclamations, l'un des hôtes de Madame de la Morlaix, et ce n'était pas précisément le plus sot, fit remarquer à la bande que ce désavantage pouvait devenir une supériorité et tourner contre eux. On avait vu des jeunes filles enthousiastes qui s'éprenaient des déshérités du sort et tenaient à honneur de jouer le rôle de la Providence à leur profit, qui a les mains vides, a souvent les griffes longues. De plus, il y avait autour du marquis, tour à tour ouvrier et soldat, et fils d'un personnage dont la noblesse remontait au temps des croisades, quelque chose de romanesque dont l'éclat et l'originalité manquaient à ces ribauds. Quand on ne veut point être désarçonné par ces beaux dénicheurs de dot qui mettent au service de leur appétit des yeux de colombe amoureuse, des dents de tigre et l'auréole d'un nom superbe, la prudence conseille de les évincer au plus tôt. En conséquence, on décida, parmi les plus hardis, que le dernier arrivant quitterait le château. La réserve dans laquelle Henri se renfermait volontiers, le silence dont il ne sortait guère, le grand soin qu'il apportait à ne froisser personne et à rester dans l'ombre, donnèrent à penser qu'on en viendrait facilement à bout en le pressant un peu. Ce fut un complot dans lequel tout le monde entra. Les premiers coups ne tirèrent pas Henri de son effacement. Gilbert, dont les oreilles s'échauffaient plus facilement, fronça les sourcils. Ce jeune homme tranquille était-ce bien le même qu'il avait vu dans le Caucase, chargeant les circassiens? Cependant, de nouvelles attaques ne lui firent pas rompre en visière avec les impertinents. Gilbert le prit à part. « Si cela continue, dit-il, il faudra que je casse la tête à quelques-uns de ces railleurs. Crois-tu que cela soit bien nécessaire ? » répondit Henri. « Tu me fais bouillir avec ta mansuétude éternelle. As-tu remarqué de quel air M. de Fort-Maison t'a conseillé, l'autre matin, de bien prendre garde au cheval que tu montais ? Pour vous, il est un peu vif, a-t-il dit. C'est vrai, mais il est tombé deux fois, et j'ai même pu l'aider à sortir d'un bourbier où il reposait mollement dans la vase. Certainement. Mais plus tard, c'est l'avis que t'a donné M. de Villers de rentrer avant l'heure où se promenaient les loups-garous. Le sang m'en est monté aux yeux. Bon, une sottise de plus ou de moins, cela ne lui coûte guère. Quoi ? S'écria Gilbert qui allait se fâcher. Est-ce donc à perpétuité ? Écoute, répliqua Henri qui l'interrompit. Depuis une circonstance où, par trop d'impétuosité, j'ai mis, s'il t'en souvient, les tours de mon côté, mon père m'a fait jurer d'être patient en toute occasion. Patience soit, mais assaisonne ta patience d'un peu de colère. Si tu en manques, je t'en prêterai. En outre, je ne veux pas reconnaître par un scandale l'hospitalité qui m'est accordée. Cependant, ne t'effarouche pas. Je remarque tout et je n'oublie rien. À la bonne heure. Je prétends même payer toutes mes dettes d'un seul coup. Seulement, il me faut une occasion. Si ce n'est que cela, on te la fournira. Et je la saisirai. L'occasion que demandait Henri ne se fit pas attendre. Après un déjeuner de chasse en forêt, qui avait été fort gai, M. de Fort-Maison demanda à son voisin s'il n'avait pas servi en qualité de volontaire dans l'armée du Caucase. « Oui, monsieur, » répondit Henri. « J'ai ouï dire que tous ceux qui avaient fait leur devoir dans ces guerres lointaines recevaient du gouvernement russe des marques de distinction. » Puis un moment après, comme la conversation prenait un autre tour, « Vous n'avez rien rapporté de vos promenades en Circassie ?» reprit M. de Fort-Maison. « Je vous demande pardon. » reprit froidement Henri. J'en ai rapporté des sabres, des épées, des pistolets, bref, toutes les armes qu'un galant homme peut manier. Bien, murmura Gilbert qui lui serra la main. On quitta le déjeuner et la chasse continua. On se réunissait quelquefois dans un pavillon dépendant du château où il y avait une salle d'armes et où les hommes fumaient par les temps de pluie. Les chasseurs s'y trouvaient rassemblés le lendemain. « Si nous ferraillons un peu, » dit Gilbert, qui n'avait rien oublié de l'entretien de la veille. « Ma foi, messieurs, s'écria Henri, je me souviens d'un régiment de chasseurs russes dont les officiers avaient pour habitude de ne se servir jamais que de fleurets démouchetés. Bautressus, blessure faite. » C'était, disait-il, la seule méthode un peu sûre d'apprendre l'escrime. Quelqu'un de vous, messieurs, veut-il en essayer ? Il prit contre le mur deux fleurets, en examina la pointe aiguë et présentant l'un d'eux à M. de Formaison. « Voilà, je le parie, un assaut qui sera de votre goût, monsieur, » reprit-il. « À vos ordres, monsieur, » répondit le railleur qui devint sérieux. Henri tomba en garde. « Messieurs, » dit-il gaiement, « les coups portés au visage ou au bras ne comptent pas. » On fit cercle autour d'eux. M. de Formaison, qui était un beau tireur, attaqua résolument. Il ne voulait pas être en reste de bravoure joyeuse. Mais au bout de deux ou trois engagements vivement conduits, il rompit. « Ça, monsieur, s'écria-t-il, j'attaque, vous parez, ne répondez pas. Oh, je ne riposte que sur un terrain sérieux, et seulement lorsque j'ai un circassien en face de moi. Faites donc comme si j'étais arabe, turc ou persan, » répliqua M. de Formaison, qui pâlit. L'assaut recommença avec une grande animation. Henri continuait le même jeu. Gilbert se frottait les mains. Après une attaque qui déchira la chemise d'Henri sans l'atteindre, M. de Formaison se mordit les lèvres. « Mais frappez donc, » reprit-il, « si vous ne voulez pas que je me fasse sauter la cervelle. » 10 secondes après, la main d'Henri s'allongeait et une piqûre perçait légèrement son adversaire à l'épaule. Il rompit à son tour et abaissant la pointe de son fer. « Dans le régiment de chasseurs, » dit-il en tendant la main à M. de Formaison, « on s'en tenait au premier sang. »« C'est bien, mon fils, » dit une voix forte, et presque aussitôt vit paraître dans la salle la figure mâle de M. le duc de Carlepont. « Quoi, mon père, vous étiez là ?» s'écria Henri. « Depuis quelques minutes. J'arrivais, lorsqu'en passant devant cette fenêtre, j'ai entendu votre conversation. Je me suis arrêté et j'ai tout vu. Les choses ont été bien menées, de part et d'autre. » Le grand air du duc et l'expression calme de son visage firent que toute cette jeunesse le salua. « Ça, messieurs, » reprit-il, « j'imagine que nous nous en tiendrons là. »« Je vous le promets, » répondit M. de Villers, « et vous le promets au nom de tous. Si j'avais eu la bonne fortune que vient d'avoir M. de Formaison, j'ajouterais que nous avons tous été quelque peu étourdis, qu'il vous suffise de savoir que je le pense. » M. de Bléré accompagnait M. de Carlepont. Il avait la mine sérieuse. Ses premières paroles échangées, il passa son bras sous celui d'Henri et l'attirant hors du pavillon. Tu as écrit à M. de Carlepont que le roman de ta vie trouverait son dénouement à Maingri, dit-il. C'est peut-être plus vrai que tu ne penses. Dis-moi, si tu devais renoncer à l'espoir d'obtenir Mademoiselle de la Morlaix, que ferais-tu ? Vous savez quelque chose ? S'écria Henri. Là n'est pas la question. Réponds d'abord. J'irai si loin que je perdrai même la pensée du retour. C'est ton cœur qui parle, c'est mon être tout entier. Il y a eu Madame d'Albreuse. C'est bien pour cela. Si un sentiment plus fort que l'amour n'avait pas renversé l'idole, elle serait encore debout. M. de Bléré parut réfléchir un instant, puis, levant la tête, « À la grâce de Dieu, » dit-il. Henri le retint. « Mais vous, que savez-vous parler ? » reprit-il. « Bah, » répondit le Breton en appuyant la main sur le bras du jeune homme, « ce que je sais, ce que je crois savoir surtout, tu l'apprendras toujours assez tôt. Il y a des choses dans la vie que la prudence la plus consommée ne saurait éviter. Le plus sage est peut-être de courir au-devant. » Le duc, cependant, venait de paraître dans la grande salle du château. En apercevant M. de Carlepont, Madame de la Morlaix redevint subitement telle qu'on l'avait vue à Cormel, froide, concentrée, avec un mélange de hauteur et d'éloignement. Il lui était impossible de ne pas accueillir quelqu'un qui s'était montré compatissant et généreux envers une personne qui vivait autrefois dans sa plus étroite intimité, qu'il avait protégée et secourue. Mais sa politesse ne pouvait pas aller au-delà. Elle restait glacée. Madame de la Morlaix parut respirer cependant lorsque M. de Carlepont l'assura qu'il ne passerait qu'un petit nombre de jours dans le pays. Le duc, qui l'observait, sourit. « Ces quelques jours me suffisent, » pensa-t-il. « Il n'y a pas de secret si bien gardé qui tienne contre une observation persévérante. « Emmènerez-vous, M. Henri ? » demanda-t-elle presque aussitôt. « C'est probable, » Nous le regretterons, répliqua Madame de la Morlaix. Je le lui dirai, répondit le duc en s'inclinant. Madame de la Morlaix n'ajouta pas un mot. Sa haine va si loin, pensa de nouveau le duc, qu'elle en oublie même les règles vulgaires de la plus banale urbanité. Je suis chez elle, je l'ai reçue chez moi, et elle parle au singulier. Mais pourquoi cette haine? Ce jour-là, Gilbert chercha Henri. Je sens bien, dit-il, et cela malgré tous mes efforts, que jamais je ne pourrai voir en toi un ennemi. Malheureusement, Léopoldine est entre nous. Tu la veux, je la veux, et je n'épargnerai rien pour que la chance tourne de mon côté. C'est ton droit. Ceci n'est peut-être pas sûr, sachant ce que je savais. Mon excuse est de ne l'avoir pas cherché. À présent, il est trop tard. Le notaire dont je t'ai parlé m'a prévenu que Madame de la Morlaix quittera probablement Maingris vers la fin de l'année et qu'à cette époque, elle aura fait le choix d'un fiancé pour sa fille. Agis à ta guise, je saurai dès demain si la mère Angélique de la Pitié, mon alliée, comme la bienveillance de son regard et de ses propres paroles, me l'ont fait supposer. Donne-moi ta main et jure-moi de ne pas la retirer, quoi qu'il arrive. Gilbert hésita, puis, se jetant dans les bras d'Henri, « Ah, bandit ! S'écria-t-il, est-ce qu'il dépend de moi de ne pas t'aimer ?» Un moment après, Gilbert était à cheval et s'en allait ventre à terre vers la maison qu'habitait la mère Angélique de la Pitié, qu'on n'avait pas vue depuis un assez longtemps à Maingris. Presque à la même heure, Henri rencontrait Mademoiselle de la Morlaix, qui se promenait seule dans le parc. Élevée presque à l'anglaise, on lui laissait une grande liberté, ce qui lui donnait cet air d'aisance et de tranquillité qui était en elle. La rivière se trouva devant eux et un bateau sur le bord. Ils y entrèrent. Mademoiselle de la Morlaix prit les rames en badinant et voulut se charger de pousser le bateau. Henri s'assit en face d'elle, la main sur le gouvernail. On arriva bientôt dans un endroit de la rivière où les arbres épais faisaient une ombre. « À quoi pensez-vous ? » dit tout à coup Mademoiselle de la Morlaix. « À vous, mademoiselle, répondit Henri, je mentirais si je disais que je l'ai fait toujours. » Et en toutes circonstances, avec la même force. Mais je ne mentirai pas moins si j'osais dire que depuis que je vous ai revu, vous êtes sorti un instant de ma pensée. Les mains de Léopoldine cessèrent d'agiter les rames. Rien ne m'autorise à vous parler ainsi que je le fais, poursuivit Henri. Cependant, une force invincible me pousse à vous ouvrir mon cœur. Vous savez dans quelles circonstances nos vies se sont rencontrées. Il m'a semblé, depuis cette époque, que quelque chose dont je n'étais pas le maître me ramenait sans cesse vers vous. Votre image était restée dans un coin de mon souvenir, comme un rayon de miel dans un arbre. Je vous ai revu à la Cormelle, et une flamme intérieure m'a remué. Je vous ai cherché à Maingris, et ce même trouble s'est emparé délicieusement de moi. Maintenant, répondez-moi avec cette entière franchise dont je vous donne l'exemple. Votre main est-elle engagée ? Non, monsieur, répondit Léopoldine d'une voix ferme. Si j'osais y prétendre, m'autoriseriez-vous à faire auprès de Madame de la Morlaix toutes les démarches qui pourraient me la faire obtenir ? Une rougeur subite passa sur le visage de Léopoldine. Ah, vous n'y réussirez pas, dit-elle. Mademoiselle, s'écria Henri dont les yeux rayonnaient, Dieu me viendra en aide. L'expression d'un sentiment tendre et sérieux parut sur le visage de Mademoiselle de la Morlaix. C'était comme un pur miroir qui réfléchissait toutes les choses profondes et charmantes qui s'agitait dans son cœur. Un mot vous a livré le secret de mon âme, dit-elle enfin. Peut-être aurais-je dû mieux le défendre. Mais je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Si quelque chose d'ailleurs peut m'excuser, c'est que vous n'êtes pas pour moi l'ami d'un jour. Ce n'est pas une surprise qui m'a poussé vers vous. Un lien secret, dont jamais je n'ai voulu rompre les fils mystérieux, ne nous attache-t-il pas l'un à l'autre depuis bientôt 10 ans? C'est comme un nœud qui m'enchaîne, et dès les premiers jours, je me suis plié avec joie à cette servitude. Quand je vous ai retrouvé à la Cormelle tout à coup, et plus tard, lorsque vous êtes arrivé à Maingris, j'ai senti que ce même souvenir, vous le gardiez. Une heure avait décidé de ma vie, une heure avait décidé de la vôtre. J'ai failli vous tendre la main et vous crier merci. Un instant, Léopoldine se tut. Les yeux d'Henri ne la quittaient pas. Un rayon de lumière les séparait. Leurs mains pouvaient presque se toucher, et une émotion pleine d'un trouble délicieux le retenait à sa place. Rien de ce qui les entourait n'existait plus pour eux. « Cependant, reprit-elle, ne vous méprenez pas au sens de mes paroles. Si je vous ai ouvert mon cœur, seule ma mère peut disposer de ma main. Je l'aime et la respecte, et ne ferai jamais rien pour me dégager de l'obéissance que je lui dois. Un jour, sans m'entendre, vous parliez de l'éloignement que Madame de la Morlaix éprouvait pour ceux qui portent mon nom. Cet éloignement, en avez-vous pénétré le secret ? Léopoldine secoua la tête. Vous a-t-il paru au moins qu'il ait cédé sous l'empire du temps et de nouvelles circonstances ? Hélas, non. Eh bien, s'écria Henri, je devrais tout à la force de mon amour. La vie de mon père est telle qu'on ne peut avoir rien à lui reprocher. La lumière se fera, et un jour, à la face du ciel, je pourrai vous dire, Léopoldine, ma vie est à vous. En ce moment, les yeux de Léopoldine s'égarèrent sur la rivière. Elle pâlit et fit un léger mouvement. Les rames, sur lesquelles ses mains ne s'appuyaient plus depuis un instant, avaient glissé dans l'eau. On les voyait flotter au loin. Le courant en écartait le bateau qui filait rapidement. On entendait en aval, derrière un pli de terrain, une grande rumeur, comme celle que produirait une cascade brisant ses ondes parmi les rochers. « Qu'est-ce ? » demanda Henri. « Je ne voudrais pas exagérer les choses, » répondit Léopoldine, « mais il me semble que nous sommes en grand péril. » « Un péril, dites-vous ? J'ai bien peur qu'il ne soit même un peu tard pour le signaler. Là, devant nous, il y a une chute d'eau. L'un des courants s'engage dans un canal et passe sous les roues d'un moulin. L'autre se précipite entre 1000 rochers. Dans quelques minutes, notre bateau sera mis en poudre et nous... » Elle s'arrêta et promena sur les deux rives un long regard. On ne voyait personne dans la plaine. En cet endroit, la rivière était large et rapide. Henri se leva. Seul, il aurait pu lutter contre la vitesse du courant et gagner le bord. Mais alourdi par le poids d'un corps, il ne devait songer à s'y risquer qu'à la dernière extrémité. « Mademoiselle, dit-il, je vous sauverai, je ne sais pas comment, mais je vous sauverai. Si je n'y réussis pas, Dieu aura deux âmes. » Le bruit augmentait de minute en minute. C'était un long retentissement. Mademoiselle de la Morlaix s'efforçait de sourire, mais ses petites mains serraient le bord du bateau, comme si ses doigts eussent voulu en creuser le bois. « Connaissiez-vous cette cascade dont les rumeurs arrivent jusqu'à nous ? » reprit-elle, en voulant garder le ton du badinage. « On a eu l'idée d'imiter la nature. On y a trop bien réussi. »« S'il fallait vous confier à moi, le feriez-vous ? » dit Henri, sans hésiter. Le bateau, lancé avec une rapidité de plus en plus grande, dépassa un promontoire. On vit le moulin et tout à côté une ligne blanche qui montrait la place où les eaux tombaient dans le vide. On n'était plus qu'à 100 pas du barrage vers lequel filait le grand courant. Henri fit un pas et se rapprocha de Mademoiselle de la Morlaix pour lui porter secours au moment du péril. Ce mouvement lui permit de voir un paquet de cordes caché sous un banc. « Vous êtes sauvés ! » s'écria-t-il. Il s'empara de la corde, en fixa solidement l'un des bouts dans un anneau, saisit l'autre entre ses dents et se précipita dans la rivière. Le flot l'emportait d'abord, mais bientôt Mademoiselle de la Morlaix l'aperçut qui fendait l'eau rapidement avec des mouvements vifs et réguliers. Une frange d'écume frissonnait autour de ses bras. Un élan plus fort le fit aborder sur la rive. Il roula tout aussitôt la corde autour d'un saule et se mit à tirer dessus. Le bateau vint, et une minute après, la proue s'engageait dans l'herbe. « Prenez ma main !» dit résolument Mademoiselle de la Morlaix qui sauta au pied du saule.